Poème 2. Mélancolia. Première partie. Résignation. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Tout enfant, j'allais rêvant Kohinoor, somptuosité persane et papale, Héliogabale et Sardanapale. Mon désir créait sous des toits en or, parmi les parfums, au son des musiques, des harems sans fin, paradis physique. Aujourd'hui plus calme et non moins ardent, mais sachant la vie et qu'il faut qu'on plie, j'ai dû refréner ma belle folie, sans me résigner par trop cependant. Soit le grandiose échappe à ma dent, mais fille de l'aimable et fille de la lie, et je hais toujours la femme jolie, la rime assonnante et l'ami prudent. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.